Chapitre 9e. Les deux amis. Le chevalier était si heureux qu'il marcha longtemps au hasard sans but ni pensée distincte. La première idée fixe qui s'empara de son esprit fut de se présenter chez Renzo de Cérès pour demander un commandement. Mais la réflexion vint à son aide, prévoyant qu'il n'avait aucun droit, au moins reconnu, au titre qu'il voulait solliciter. Il abandonna la direction qu'il avait prise et redescendit le quai du port pour atteindre la rue de la Pyramide, où il demeurait avec son ami. La nuit arrivait quand il rentra chez lui. Vincenzo, occupé du soin de ses armes, en l'apercevant, courut à sa rencontre. « Guillaume » s'écria-t-il en lui tendant la main. Le gentilhomme la saisit et la pressa vivement dans les siennes. Thibault, qui depuis longtemps voyait son ami profondément triste, fut étonné de ce retour subi à la joie. « Comme vous voilà heureux. C'est vrai, je le suis. Alors, les rôles sont changés, car moi je souffre. »« De quoi souffrez-vous ? » demanda Guillaume avec intérêt. « Cette tristesse ne m'est pas ordinaire, je l'avoue. Mais vous, à quoi devez-vous votre joie ?» Le chevalier crut devoir garder le secret de son amour. « Je suis heureux parce que mes incertitudes ont enfin cessé. Nous aurons une immense fortune à recueillir. Vous m'aiderez, n'est-ce pas, Vincenzo ? Nul doute, mon ami. » « Croyez-vous avoir beaucoup à faire ?» Guillaume entr'ouvrit alors un meuble dans lequel il prit une cassette. Introduisant dans la serrure une clé qu'il portait sur lui, il en retira bientôt un parchemin aux armes de Marseille. « Voilà qui prouvera que je suis le fils légitime de Jean de Mantoue, dont la fortune recueillie par son frère Puné vient de passer dans les mains de son fils Charles de Mantoue. » À cet aveu, Vincenzo stupéfait s'écria « Je m'explique à présent la haine irréfléchie que je porte à cet homme. » Votre intention est-elle d'avoir recours à la justice ? Demain, nous irons ensemble parler accommodement. S'il refuse de me reconnaître, il faudra bien que les tribunaux s'en mêlent, car à tout prix, je veux recouvrer mes biens et remonter à la hauteur de mon nom. » Vincenzo, au changement si complet de son ami, demeura muet de surprise. Guillaume lut sa pensée dans ses regards. « Vous êtes étonné, Thibault, » dit-il en souriant. « Vous le serez plus encore quand vous saurez qu'à mes titres et à mes richesses, je veux joindre l'éclat de la gloire. L'occasion ne peut être plus favorable pour en acquérir, car Marseille n'est pas encore quitte avec les troupes du connétable. Hélas, reprit le chevalier, elles n'ont que peu combattu, et depuis de longs jours elles sont inactives. Je crains de me lasser à les attendre. Qu'allons-nous les attaquer au milieu de leur retranchement ? Exclama Thibault. Une sortie ? S'écria Guillaume joyeux. Les deux jeunes hommes s'entretinrent longtemps encore avant de se séparer. Vincenzo se chargea d'obtenir l'assentiment de Renzo de Cérès, ainsi que les troupes nécessaires. Ils combattirent ensemble du jour et de l'heure de la sortie. Guillaume était heureux. Il pensait que cette action d'éclat mettrait sa valeur au grand jour, qu'il pourrait après obtenir sans difficulté un poste important qui lui faciliterait le moyen de mériter la main d'Améliane. Il apprit alors à son ami que les heures écoulées loin de lui avaient été passées près du père Anselme, dans les murs de l'abbaye Saint-Victor, dont il espérait ne plus sortir, et que c'était pour se conformer au sage conseil du prieur qu'il réclamait son patrimoine, attendu qu'il avait renoncé à la vie monastique. L'horloge de Saint-Martin sonnait minuit lorsque Guillaume se jeta sur son lit. L'esprit agité, il lui fallut du temps pour goûter les douceurs du repos. Tantôt il voyait Charles de Mantoue, l'air menaçant, rôder autour de lui. Tantôt ils chevauchaient triomphants à côté de Vincenzo, chargés tous deux des dépouilles des Espagnols. Mais le plus souvent, une gracieuse figure de jeune fille s'inclinait souriante à son chevet. À la longue, ses paupières s'appesantirent. Il dormit quelques heures d'un sommeil lourd et pénible, pendant lequel il vit en songe une douce colombe posée sur son épaule. Il lui sembla qu'ayant voulu la saisir, elle s'était changée en un vautour effroyable, qui n'ayant pu l'enlever, lui, dans ses serres, avait emporté ses parchemins. Le gentilhomme s'éveilla en sursaut. Les premières lueurs du jour perçaient les jalousies. Il jeta un regard d'épouvante autour de lui et poussa un cri de désespoir. La cassette avait disparu.